Ta révolution usurpe son nom. Ta révolution me fout le bourdon. Ta révolution a des gros nichons. Ta révolution me prend pour un con. Tu caracoles et tu racoles, moi je rigole. Tu t'enhardis, tu t'embellis, je m'engourdis. Tu te fais belle un peu. Ta révolution. Ta révolution n'est pas une chanson.